Exercice 5, page 148. A. Vous avez 12 enfants? B. Vous avez 13 albums? C. Vous avez 15 euros? D. Nous avons 2 actrices. E. Nous avons 3 agences. F. Nous avons 6 absences.